السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، اخترت في موضوعي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الدعوة أو هذا المنهج يمتاز بمزايا منها أنها دعوة ربانية، يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى. كذلك أنهم لا يطلبون أجراً على دعوتهم، وأنهم يسلكون في دعوتهم سبيل الحكمة، وأن هدفهم واضح للناس، يعني لا غبار عليه. وهذا بدليل قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc cette propagation elle se caractérise par certains points. Donc le premier, c'est que c'est une propagation, ou une da'wah si vous voulez, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de la révélation. Le deuxième point, c'est qu'ils ne demandent point d'argent ou autre bien dans leur propagation. Et Allah tabaraka wa ta'ala, tab'an fil Qur'an al-Karim, il dit, dans le sens à peu près du verset, dans la traduction: « Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. » Le troisième point, c'est qu'ils utilisent dans leur propagation la sagesse et la science. En sachant, mes frères, que le mot hikma, al-warid fil Qur'an al-Karim, huwa al-ilm. Le mot hikma, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Le mot hikma dans le Saint-Coran, mes chers frères, qui est utilisé, c'est la science. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens à peu près du verset: voici ma voix, j'appelle les gens, entre parenthèses, à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne suis point du nombre des associateurs. Le quatrième point, يعني هدفهم كما ذكرت واضح, يعني لا غبار عليه, c'est que leur but, il est clair auprès des gens, sans ambiguïté. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens à peu près du verset, et dit: voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi et ceux qui me suivent. Ana wa man ittaba'ani. Khamisan, annahum la yabtaghuna fi da'watihim zahrat ad-dunya, wa innama yabtaghuna bi da'watihim wajha Allah wa dar al-akhirah. Yani, ils ne veulent point de la dunya ou de ce bas monde dans leur propagation, mais simplement l'au-delà et le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisan, annahum yurakizuna fi da'watihim ala aqidati tawhid. Le sixième point, c'est qu'ils se concentrent dans leur propagation à la croyance et au tawhid. Wa da'watul anbiya wal rusul ayyuhal ikhwa muttafiqa. Jami'an, toute leur propagation, elle est de même, sans ambiguïté. Elle kullu da'a ila tawhid. Tous autant qu'ils sont, ils ont tous appelé à la même chose. Ubudullaha ما لكم من إله غيره. يعني أدوري الله, vous n'avez aucune autre ou vous n'avez d'autre divinité qui doit être ou qui mérite d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala. هذه هي دعوتهم, دعوة نوح, دعوة إبراهيم, دعوة هود, صالح, صالح, عيسى, موسى, النبي, جميعا دعوتهم كانت الدعوة إلى التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد. لا تقولوا, يعني كثير من الناس يعتقدون أن دعوته إلى التوحيد كانت فقط في المرحلة المكوية. يعني il pense beaucoup que le prophète quand il l'appelait au tawhid, il ne l'appelait que à l'époque ou au moment où il était à Mecca, quand il appelait son peuple, يعني les Quraishites, à l'islam. Là, النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد في مكة وفي المدينة منذ أن أرسله الله تبارك وتعالى وهو يدعو إلى التوحيد أن مات. Il a appelé au التوحيد jusqu'à sa mort. وهذا لا غبار عليه. يعني أوكن ambiguity à ce sujet-là. أنتم يعني لو قرأتم يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى الفقه كله توحيد. كله توحيد. سورة الفاتحة بنفسها توحيد. La première sourate du Coran, c'est du tawhid. يعني لو سئلت, si on te pose la question, d'où nous retirons les trois, يعني les trois sortes du tawhid, tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma wa sifat, min sourat al-fatiha. Wa min ghayriha, min al-sour, et d'autres sourates bien sûr. Mais déjà dans la première, les trois sortes, ils y sont. Et then, leur propagation se concentre sur la croyance et le tawhid. Sabi'an, annahum la yukhalifuna ma yaquluna bi aqwalihim wa la af'alihim. Kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yutabbiq ma yaqul. Wa hakadha yanbaghi lil insani an yakun. Ad-da'iya aydan yutabbiq ma yaqul. Le prophète alayhi salatu wa salam ne faisait jamais le contraire de ce qu'il dit, mais il pratiquait et il ordonnait la pratique. وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنَا فِي كِتَابِهِ أَنْ نَسْلُكَ مَنْهَجَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ. وفي آية أخرى قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طبعا dans le Coran, Allah nous exhorte à suivre la voie et le chemin de notre prophète bien-aimé, de tous les prophètes, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah يقول voilà ce qu'Allah, dans le sens à peu près du verset, hein, voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. طبعا وهذا الخطاب موجه لمن le Rasoul alayhi salatu wa salam. Suis donc leur direction. Et dans un autre verset, il dit, puis nous t'avons révélé. Suis la religion d'Abraham. Suis la religion d'Abraham. Ou d'Ibrahim alayhi salam, qui était voué exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Ibrahim li wahdihi umma, à lui seul. Il représente toute une communauté. Inna Ibrahim kana ummatan lil nasi, hanifa. وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله تبارك وتعالى طبعا nous ordonne aussi de suivre notre prophète dans toutes choses. Il nous dit dans le sens à peu près du verset, et en effet, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier et invoque Allah fréquemment. شوف مرحلة الذكر هي في القرآن الكريم مذكورة كثيرة بالكثرة. Quand on parle du zikr, quand on parle de l'invocation, dans le Saint-Coran, Allah il en parle avec comme quoi qu'il faut en dire beaucoup. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وطبعا الخطاب موجه ليس فقط للرجال وانما النساء ايضا, فالنساء شقائق الرجال في الاحكام. On est pareil dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose, bien sûr, qui nous sera bénéfique, qui nous est bénéfique aujourd'hui et qui nous le sera le jour du jugement dernier. Entre parenthèses, en sortant un petit peu du sujet, à la fin des temps, elle sera éprouvée de trois années de famine. Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in sa'alu an-nabi alayhi salatu wa salam ma huwa sharab aw ta'am yani al-mu'minuna fi dhalika al-waqt, quelle est leur nourriture, leur boisson. Il leur a dit dhikr. Fal-insan alayhi an yurabbi nafsahu, il faut s'éduquer dans la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala kathiran, beaucoup. Faut pas lâcher le morceau yani. Wa fi al-hadith, dans le hadith il nous a été rapporté, le prophète alayhi salatu wa salam a dit toute la communauté entrera au paradis. يعني كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. Sauf celui qui ne veut pas. Les compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in demandèrent au prophète: et qui ne veut pas entrer au paradis, au prophète d'Allah? Il répondit: celui qui m'obéit entrera et celui qui me désobéit ne rentrera pas. Wa ulil azm min ar-rusuli هم كما ذكرهم الله في كتابه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. Donc comme cité dans le Coran, les prophètes يعني doués de fermeté sont donc notre prophète صلى الله عليه وسلم, le prophète Ibrahim عليه السلام, le prophète Nuh, le prophète Moussa et le prophète Isa. وقبل ان نتحدث عن منهجهم في الدعوه الى الله يجب ان نعلم ايها الاخوه ان الله تبارك وتعالى فضل بعض النبيين على بعض. يعني faut savoir tout d'abord qu'Allah tabaraka wa ta'ala a favorisé certains prophètes à d'autres. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi muhkam at-tanzil wa rabbuka a'lamu biman fi as-samawati wal-ard wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Donc les prophètes que je viens de citer, le prophète Mohammed, le prophète Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa, Ibn Maryam alayhim salawat rabbi wa salamuh, Allah il a favorisé certains d'entre eux, taban fil khams, yani ulul azm, ces 5 là et les 25 autres qui sont cités dans le Coran al-Karim, et tous les autres prophètes, en sachant que entre les prophètes et messagers qu'Allah a envoyés dans ce bas monde, il a été rapporté dans certains hadiths qu'il y en a 124 000 prophètes et messagers. Et parmi les messagers, il est dit qu'il y en a entre 314 et 318. Dans ces 314 ou 318, taban, ash-shakku min ar-rawi, le doute c'est celui qui nous a apporté ce hadith-là, il y a ulul azm, ceux qui ont pris le plus grand des messages, ce sont les 5 que je viens de vous citer. Allah il nous dit dans le sens à peu près du verset, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté l'épreuve et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne seraient pas entretués après que l'épreuve leur fut venue. Mais ils se sont opposés les uns aux autres. Et les uns restèrent croyants et les autres furent infidèles. Et si Allah aurait voulu, il ne serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. وفضل الله عز وجل الرسل بعضهم على بعض. فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Ça, c'est ce que je viens de lire en français. C'est vrai qu'en français, c'est, ça, ça n'a pas la même... C'est plus ou moins le sens, mais en coupant, ce n'est pas évident. وَاللَّهُ تَبَرَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ كَمَا ذَكَرْتُ آنِفًا أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ أَفْضَلَ الرُّسُلِ وَجَعَلَ رَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل الأنبياء والرسل وأمره الله تبارك وتعالى يعني النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم كما ذكر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وأيضا ذكر الله لنا في كتابه أن أولي العزم خمسة كما ذكرت لكم آنفا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Donc Allah a fait que ses messagers sont les meilleurs. Et il a fait aussi en sorte qu'ils sont les plus élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait que notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le plus haut des degrés d'entre tous. Il lui a donc demandé d'être patient. Dans le verset, comme il était cité, endure, yani, ya Mohammed. Endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté, et ne te montre pas trop pressé de les voir subir, yani leur châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà une communication qui sera donc anéantie, sinon les gens pervers. Yani comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a cité le nombre de ses prophètes, fil le Coran et le Karim, il a dit, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il a enjoint à Noé ou à Nuh, ce que nous t'avons révélé, yani au prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa, à Issa, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Et Allah élit et rapproche de lui qui il veut, et guide vers lui celui qui se repent. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que toi, ainsi que de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa, de Issa, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Et tabaraka, ces prophètes, mes chers frères, sont les plus élevés et les plus grands degrés sur tous les autres prophètes. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur d'entre eux. Parmi ses bienfaits, Allah Azza wa Jal dit, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنَ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ça c'est le dernier verset que j'ai cité. وَنَبِيُّنَا كَمَا ذَكَرْتُ لَكُمْ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. C'est lui qui a le qui yani haza bidarajatil oula ma'a annahu khataman nabiyyin, et il est alors le dernier des prophètes, mais il a été élevé au plus grand des niveaux. Parmi ses bienfaits, yani qu'est-ce qu'il fait que notre prophète bien-aimé a le plus gros des degrés? C'est qu'il a été envoyé à toute l'humanité, yani kana fi qadim az-zaman الرسل والأنبياء كانوا يبعثون إلى يعني قبائلهم أو إلى بعض الناس. Ils étaient envoyés à leur tribu ou à quelques personnes. أما النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تبارك وتعالى إلى الأمة جميعا. Il a envoyé le prophète عليه الصلاة والسلام à toutes les communautés. وليس يعني ما أرسله الله تبارك وتعالى فقط إلى العرب. بل أرسله أيضا إلى العجم إلى الأمة جمعا. وليس هناك فرق بين عربي ولا عجمي إلا بتقوى الله جل في علاه. Il n'y a pas de différence entre un étranger ou un arabe que par le biais de la piété et rien d'autre. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قال لصهيب أنت مفتاح الروم. قال لبلال أنت مفتاح الحبشة. Tu es les clés de l'Abyssinie ou de l'Afrique. Et il a dit à Rome, tu es les clés de Rome. Comme il a dit à Salman al-Farisi, رضي الله تعالى عنهم أجمعين, tu es les clés de la Perse. وطبعا سقطت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, يعني فتحت لتنبى cette époque là, ودخلها الإسلام. حتى أن معظم العلماء الكبار المعروفين بالعلم, علم الحديث, la plupart de ces grands savants là, ils venaient de ces pays là. الإمام البخاري vient de بخارة, بخارة c'est en Afghanistan. L'imam muslim il vient de Nisabour, c'est en Perse. Les makanou arabes, ce n'étaient pas des arabes. Et pourtant, hadou hadhihi al-martaba, ils ont eu ce degré-là, ce plus haut niveau. Yani martabat al-sharaf bi sabab ilmihim, dû à leur science. Fa An-Nabi alayhi salat wa salat, il a donc été envoyé à toute l'humanité. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui le dernier des messagers et prophètes. Kadhalik, il a le mérite d'avoir reçu la révélation du Saint-Coran. Yani le Coran al-Karim nazala ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La révélation lui a été révélée à lui. Mufarraqan, étape par étape, selon la vie des compagnons à cette époque-là. وهذا القرآن الكريم تحدي c'est un challenge إلى يومنا هذا jusqu'à aujourd'hui يعني نستنبط منه الأحكام والحكم on sort des règles la sagesse du Saint-Coran de l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بل إلى آخر الدهر jusqu'à la fin des temps وهي أكبر معجزة c'est le plus grand des miracles du prophète صلى الله عليه وسلم قريش Le peuple de les Mécois, eux-mêmes, ils l'ont reconnu que c'était le plus grand des miracles. Et pourtant, à cette époque-là ou à ce moment-là, ils n'étaient pas encore musulmans. Ils ont dit que ça ne peut pas être la parole d'un sorcier, ça ne peut pas être la parole d'un poète, ça ne peut pas être ceci ou cela. Pourquoi ? Parce que c'était des gens de langue. Ahlul lugha, ahlul fasaha, yafhamuna hadhihi al-ashiya. La forme, le choix des mots, la façon de parler, ils le savaient, ils le connaissaient. لذلك تجد أنهم اختلفوا يعني في في في في العقيدة وفي بعض الأشياء في القرآن. Ils n'ont pas divergé parce qu'ils comprenaient ce que ça veut dire. Ils l'ont compris. Ils prenaient chaque chose. اختلفوا في الأسماء والصفات. Pourquoi ? Parce que عندهم يد يد وجه وجه. Une main, c'est une main, un visage, c'est un visage. Ils savent ce que c'est. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, lamma ja'a dhalika al-insan, quand il est venu le voir, il lui a dit, ma huwa al-istiwa, ou ma ma'na al-istiwa, qala al-istiwa ma'loum. Qui d'entre nous qui sont ici à Médine, qui sont nés arabes, sommes des arabes, ils en nous connaissons, peut te dire c'est quoi l'istiwa. Nous savons très très bien ce que ça veut dire, ce que le mot istiwa veut dire. Mais il a compris ça. Sa question. Et il a su ce qu'il a voulu dire par cela. لذلك قال له الاستواء معلوم. يعني الكل يعرفه. والكيف مجهول. Comment ? Allah أعلم. Personne ne sait. والسؤال عنه بدعة. Il a vu en lui que c'est quelqu'un qui est là pour faire dévier les gens de la droiture. Il lui a dit, et la question que tu poses, c'est une innovation. أنت هنا يعني حتى تزرع. Tu es là afin de semer la graine de la discorde. Il l'a compris. قال للناس ابتعدوا منه. Éloignez-vous de lui. حتى أن في بعض الروايات, dans certaines versions, il aurait dit aux شرطة, يعني aux policiers, prenez-le, emmenez-le, enfermez-le. ومثل هذه القصص يعني كثيرة مذكورة في بعض الكتب مثل كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وغيره. ابن سيرين جاء له إنسان قال له دعني أقرأ عليك آية. Laisse-moi te lire un verset. Un verset coranique. L'Ibn Sirin avait mis ses rahimahullah wa radiyallahu anhu, ses deux doigts dans les oreilles. Il lui a dit Aya, ammi insan yurid an yaqra aya ala sheikh alim. Il lui a dit, voilà, nisfi aya, même pas la moitié. Voilà, kalima, je ne veux rien entendre de toi. Les gens qui sont avec l'imam, ils disent, subhanallah, Ibn Sirin, tu es le plus grand des savants. Un verset coranique. Il lui dit, wallah, j'ai eu peur qu'il sème le doute dans mon cœur. معظم الناس لما خرجوا يعني حادوا عن الطريق خرجوا بسبب الشك ريب في قلوبهم احد الائمه قال لاحد الخوارج انتم ما خرجتم من اجل الا من اجل الدنيا vous êtes sorti contre le calife qu'à cause de la dunya il dit non نحن خرجنا لا حكم الا الله لا لوضع الله doit primer la loi ceci وما عرف واش ودي وذاك قال لا والله قال هل منعكم من الطعام والشراب Il vous a interdit la nourriture, la boisson. Hal mana'akum min as-salah, yani fi al-masajid, il vous interdit la prière à la mosquée autre, il nous dit idhan kharajtum min ajli ad-dunya. Vous êtes sorti à cause de la dunya et rien d'autre. Wa fi'lan kharaju min ajli ad-dunya. Min tilka al-azmina ila zamanina hadha nafs ash-shay. Wa ya'tuna laka bi nafs ash-shukuk wa bi nafs yani al-ashya allati ja'u biha. Là, pareil, ils ont rien changé, il y a rien qui a changé avec eux. دائما لما تتناقش مع احدهم ما رايك في فلان كافر ولا مو كافر toujours pareil ونفس الاستدلالات عموما donc il a eu le plus grand des miracles qui est le Coran il est le meilleur aussi d'entre eux comme l'indique la position d'imam qu'il occupa au cours de la nuit de l'ascension et نعم الإمام النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري عرج به إلى السماء quand il a fait l'ascension au ciel ولما أسري به من مكة إلى فلسطين صلى بالأنبياء والرسل il a prié en tant qu'imam et derrière eux tous les prophètes عليه الصلاة والسلام هذه مرتبة الشرف c'est la noblesse ومرتبة يعني أنه يعني أفضل منهم et il est le plus haut le plus haut que كذلك لما عرج به إلى السماء السابعة جبريل لما وصل قال هذا حدي سدرة المنتهى je peux pas monter plus هو il est monté كلم ربه il a parlé à son seigneur كذلك une autre preuve de sa supériorité elle s'atteste aussi dans un hadith Où Abu Huraira radiallahu anhu dit le messager d'Allah alayhi salam a dit je serai le seigneur des fils d'Adam يعني انا سيد ولد ادم ولا فخر قالها او ما قالها il l'a dit ou il l'a pas dit قالها انا سيد ولد ادم ولا فخر وانا سيد ولد ادم Au jour du jour de la résurrection, le premier à sortir de sa tombe. لما ينفخ في الصور, quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à Israfil de souffler dans la trompe une deuxième fois, une première fois, c'est le premier à sortir. Et le premier à intercéder, ou le premier intercesseur, C'est non seulement le premier à intercéder pour sa communauté, يعني يشفع في أمته وأول من أيضا il est le premier à qui l'intercession est acceptée. طبعا الحديث il a été rapporté par l'imam مسلم لمن أراد عن المراجعة. أول من يجيب ارفع رأسك يا محمد واسأل تعطى. Demande. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببخيل إنه با إيغويست ما قال نفسي وإنما قال أمتي ما كومينوتي il intercède en la faveur de gens de son époque ceux qui sont venus après jusqu'à la fin des temps sans savoir ce que les derniers ont fait Allah يقول, il lui dira cette chose-là. إِنَّكَ لَا تَدْرِ مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. لكن الله عفو كريم فيه يعني بعض الأحاديث أنه يقول, dans certains hadiths, il est dit qu'il demande aux anges de faire sortir. Akhrij ba'th an-nar, yani. Fais sortir les flammes de l'enfer tant de. شوف المؤمن أو المسلم الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لا يشرك بالله تبارك وتعالى يدخل الجنة وإن عذب. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a jamais commis d'association ou d'idolâtrie, il adore Allah, il rentrera au paradis, même s'il est châtié, s'il a commis des péchés. لكن الذي يشرك بالله ولم يتب من شركه فإنه لا يدخل الجنة أبدا. Parce qu'Allah عز وجل حكم عليهم ألا يدخل. حكم عليهم أنهم لا يدخلون. Il a jugé comme quoi qu'ils ne rentreront, ils ne entreront jamais. Les ulama, ils ont dit, طبعاً, dans ce hadith-là, on peut dire, parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme quoi qu'il ne faut pas faire la différence entre les prophètes. Et Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Qu'Allah tufaddilouni ala al-anbiya, wa la tufaddilou ba'duhum ba'da. » Ne dites pas que je suis meilleur d'un tel, et ne dites pas qu'un tel il est meilleur d'un tel. Même si je vais utiliser le mot supérieur, hein, cette supériorité, c'est pas une supériorité d'orgueil. C'est une supériorité de noblesse qu'Allah a voulu au prophète alayhi salatu wa salam. Les ulama, ils ont répondu. Et ils ont dit que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je serai le seigneur des fils d'Adam, ils n'ont pas été dits pour exprimer sa fierté, même si ceci est même nettement précisé dans ce hadith, dans ce célèbre hadith, hein, je suis le seigneur des fils d'Adam. Ce n'est pas là une expression de fierté. Sa déclaration, elle repose sur deux motifs. Le premier, c'est que c'est le désir de se conformer à la parole du Très-Haut, yani à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Ça c'est un. Le deuxième, t'as pas en tant que preuve, hein, est le souci de bien transmettre tout ce qu'il avait à communiquer à sa communauté, afin que les membres de celle-ci en prennent connaissance, y adhèrent, s'y conforment et fasse preuve à son égard du respect dû à son rang, compte tenu de l'ordre donné par Allah, le Très-Haut, dans ce sens. Mafhoum ? Taïb. Wa ha'oulai, yani oulul azmi, min al-rusul, faddalahum Allah azza wa jal ala jami' al-rusul. Wa faddala rasuluna sallallahu alayhi wa sallam ala jami' al-anbiya wa al-rusul. ففضل محمد صلى الله عليه وسلم يعني فضله بأن أرسله إلى الناس كافة وفضله بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وفضله بأن أنزل عليه القرآن والله تبارك وتعالى فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر فضلهم بحيث أنه اصطفاهم واختارهم لحمل هذه الرسالة لأن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. Et non, de simple fait que ce sont des prophètes ou des messagers, ils sont mieux que toute l'humanité, que tous les autres êtres humains. Comme les compagnons, أفضل البشر بعد نبينا صلى الله بعد الأنبياء والرسل, hein, après tous les messagers et les prophètes bien sûr, وبعد النبي, après tous les prophètes et les messagers, يعني c'est eux qui prennent l'emplacement qui vient juste après. Juste après, en commençant في الأفضلية بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان يعني العشرة المبشرين بالجنة وبأصحاب بدر وبأصحاب أحد إلى آخره. مفهوم أيها الإخوة؟ طيب. Donc هم حازوا هذا الشرف. الله عز وجل هو الذي اختارهم. Les frères, on vous demande de vous approcher un petit peu parce que les frères ils ont besoin d'un petit peu de place. الله يكرمكم. ثم إن الله تبارك وتعالى فضل الأنبياء بعضهم على بعض بما أعطاه لأحدهم دون الآخر وبما رفع درجة أحدهم على الآخر. وكما ذكرت آنفا لا يجوز لنا أن نفضل بين الأنبياء على وجه التنقيص، يعني كي تقول فلان يعني من الأنبياء أفضل من كذا على وجه التنقيص، يعني d'un point de vue de rabais comme si tu le rabaissais. هذا في الإسلام حرام، لا يجوز. T'as pas le droit de dire ça ou de faire cela. Chaque prophète il a son degré, chaque prophète il a son niveau. طبعا vous savez très très bien qu'il fut une journée où Banu Israël ont tué 70 prophètes en une seule journée. هؤلاء الأنبياء لهم شرفهم وفضلهم. Ces prophètes là ils ont leur degré et ils sont mieux que nous. فلا يجوز لك أن تقول مثلا فلان من الأنبياء أفضل من فلان على وجه التنقيص، هذا حرام. والأدلة يعني في الأحاديث تحرم ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال لا تفضلوني على الأنبياء في حديث آخر. فالتفضيل المنهي عنه هنا هو التفضيل التنقيص، وإنما يقال يعني أن فلانا من الأنبياء خير من فلان من الأنبياء على وجه التنقيص، هذا لا يجوز. Donc Allah il a fait en sorte que tous ses prophètes et messagers sont mieux que les enfants de Adam alayhi salat wa salam, car Allah tabaraka wa ta'ala il les a choisis pour une cause noble. Le fait de leur avoir donné cette responsabilité, le fait d'avoir porté ce message aux gens, c'est déjà une grande cause. Le simple fait d'avoir cela, ils nous ont dépassés. Et Allah tabaraka wa ta'ala, comme je viens de vous le dire, il sait mieux où il met son message. كذلك, Allah il a donc préféré certains et favorisé comme élevés avec ce qu'il leur a donné. Il a préféré certains aussi à autres et sans rabais de sa part. دون التنقيص كما ذكرت الآن, car ils sont tous ses serviteurs bien-aimés. Donc comme je viens de dire, il est interdit de dénigrer ou de rabaisser ou de dire un tel ou un tel est mieux que l'autre. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam, il a dit ne faites aucune célébration, yani entre parenthèses, entre guillemets, en mon honneur. Et ne m'élevez pas au degré comme les chrétiens l'ont fait avec Isa ibn Maryam. لا ترفعوني أو لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني je suis un serviteur. Dites donc le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne m'élevez pas, ne m'adorez pas, ne faites pas ce que les autres ont fait. يعني souvent nous, on a cette fâcheuse tendance de faire ce qu'on appelle le copier-coller. Ils ont fait, et ben on va faire pareil. À tous les niveaux. Dans la religion, comme même dans la dunya. Quand tu dis aux gens, mais faut pas faire, ne faites pas cela. C'est une innovation, c'est pas bien. Ouais, mais pourquoi les autres, ils les ont fait? Pourquoi un tel l'a fait? Pourquoi un tel a fait n'est pas une preuve. La preuve, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans la sunna sahiha. En dehors de cela, يعني أنا غير ملزم أن أخذ بقول أي أحد. Je n'ai pas à prendre ces paroles-là ou de qui que ce soit. Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه كان يقول للصحابة لبعض الصحابة لما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فهم كان يقول ولكن أبو بكر قال كذا وعمر قال كذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال سبحان الله أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أي الكلام هذا. Je vous dis que le prophète il dit, vous me dites Abu Bakr et Omar il dit. كذلك نحن في هذا الزمان تقول للشخص النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول الإمام الفناني من الأئمة الأربعة ولا غيره قال كذا من الكلام. يا أخي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبا حنيفة والإمام أحمد وغيره من الأئمة المعروفين بالعلم الكل قال ils ont tous dit si mes paroles, si mes dires sont conformes à la sunna, sont conformes aux paroles d'Allah, prenez. S'ils ne sont pas pareils, prenez-les, jetez-les. L'imam Malik nafsu qal, al-kullu yu'khadh wa yurad. Yani min qawlih. Illa sahib hadha al-qabr. Wa ashara biyadihi ila qabri nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kan yudarris bi al-masjid al-nabawi. فليس الأفضل يعني أنت الإنسان لا يجوز له أن يأتي بأشياء من عقله هذا دين خاصة في أمر العبادات العبادات كلها توقيفية elle vient d'Allah tu peux pas jouer avec ça c'est un acte adoratoire ou d'adoration ça s'arrête là في أمر الدنيا شيء آخر ما دام لا يخالف الشريعة ليس هناك أي مانع لكن في دين الله لا الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خلاص انتهى الموضوع في حديث أحد الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما مر يعني يوما صعد المنبر il est monté dans le minbar ou sur le minbar فتحدث يعني il a parlé aux gens من الصبح du matin قال ما كان ينفصل يعني la seule chose qui nous séparait qui séparait sa parole où il s'arrêtait de parler à الصلاة فقط يعني imagine-toi il a parlé du matin jusqu'à الظهر ils ont fait l'adhan Il est descendu, il a fait ça. Ils ont fini de remonter sur le minbar jusqu'à l'asr. Qal hafidha, takallama fi kulli shay, il a dit sahabi hala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé sur tout. Hatta fi ta'ir allati yatir fi sama. Même l'oiseau qui vole dans les cieux. Il en a parlé, il en a donné quelque chose. Il nous a donné un ilm sur ça. Fa hafidha man hafidha wa nasiya man nasiya. Celui qui a appris, il a appris. Celui qui n'a pas appris, n'a pas appris. Mafhoum? Et la préférence, comme je viens de citer, elle est donc interdite, et celle du rabbé comme cité dans le hadith et dans le verset. Et nous dit, dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset où Allah il dit, et n'établissons aucune discrimination entre ces messagers. Ce verset-là, il a été commenté par La nufarriqu bayna ahadim minhum. Il a été commenté par Ibn Kathir, qu'a les croyants croient à tous les prophètes et messagers. Ça, c'est les paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah. Les croyants croient à tous les prophètes et messagers et aux livres révélés depuis le ciel aux serviteurs d'Allah. Les prophètes et les messagers n'établissent aucune discrimination entre eux. Ils ne croient aux uns à l'exclusion des autres car pour eux, ils sont tous véridiques, pieux, bien guidés et bons guides qui conduisent les gens dans le chemin du bien. Quant au hadith que je viens de citer, qui dit, où le professeur Hassan dit, la tufaddilu bayna al-anbiya, ne préférez pas des prophètes à d'autres prophètes, on peut l'intercepter de cinq façons. La première, elle consiste à dire que le prophète alayhi salatu wassalam a fait cette déclaration avant de savoir qu'il était le meilleur des prophètes. Et quand il l'a su, il l'a révélé. C'est-à-dire qu'au début, il ne le savait pas. La deuxième est qu'il l'a dit par humilité. La troisième est que l'interdiction vise la préférence qui implique la sous-estimation de ce jugé inférieur. Et la quatrième est que l'interdiction vise toute préférence qui peut aboutir à une dispute ou à des troubles, comme le contexte du hadith permet de le comprendre. La cinquième est que l'interdiction vise la préférence qui porte sur le prophète elle-même, car elle ne varie pas d'un prophète à l'autre. La supériorité des uns et des autres réside dans des privilèges et des mérites. Toujours est-il qu'il faut croire à la supériorité des uns à l'égard des autres. Et à ce propos, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, dans le sens à peu près du verset, « Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. » Allah le sait mieux. Tilka ar-rusulu فضلنا بعضهم على بعض. C'est Allah lui-même qui le dit. فالرسول ما كان له يعني ذاك الكبر. Il n'avait pas cette supériorité ou l'orgueil de dire ce genre de choses. النبي ما كان هكذا أبدا. Il faut savoir, mes frères, que la religion de l'islam, donc, elle est unique. Et celui qui dit qu'Allah acceptera d'autres religions le jour du jugement dernier, il a menti sur notre Seigneur. يعني ديننا هذا لنعلم جميعا أن هذا الدين عند الله واحد، وهذا معلوم عند جميع المسلمين وحتى عند الخصم، ولو أنهم يعني ما أقروا به ممسن الديسبا. فمن زعم أن هناك ديانات عند الله يقبلها الله تبارك وتعالى يوم القيامة غير الإسلام فقد افترى على الله الكذب. إلى منتسوا الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآية الله فإن الله سريع الحساب. Certes, la religion, dans le sens à peu près du verset, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. ومن آدم عليه السلام إلى نوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلها كانت على الإسلام. يعني الحديث الذي روى البخاري في صحيحه من حديث يعني عبد الله بن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. التي rapporté par عبد الله بن عباس في صحيح البخاري entre la période de Adam qui est bien sûr nabi qui est un prophète إلى نوح 10 siècles ils étaient tous sur la même longueur d'onde, tous sur l'islam. Wal islam wal istislam lillah wal inqiyad lahu bitta'a wat tawhid. C'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala à tous les niveaux. C'est ce que étaient ses prophètes et ses messagers. Laysa hunak shirk ma waqa'a shirk illa fi zaman Nuh alayhi salatu wa salam. L'idolâtrie a commencé à l'époque de Nuh alayhi salatu wa salam. Il y avait donc 10 siècles, ils vécurent tous selon l'islam. Et le prophète Nuh alayhi salatu wa salam est venu avec l'islam. En sachant, mes frères, que tous ces prophètes qui sont venus avec le même message, qui était le message d'adorer Allah, le seul, l'unique, ja'u kulluhum bil islam, ils sont tous venus avec l'islam. Isa ja'a bil islam, Moussa ja'a bil islam, Ibrahim ja'a bil islam, ils sont tous venus avec l'islam. Comme je viens de l'expliquer, l'islam c'est le fait de se lier, d'obéir, d'aller, d'accepter l'unicité, la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la propager en soi, de la propager aux autres. Hada wal islam. Dans le hadith, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna yuladul waladu ala al-fitra. Yani l'enfant, quand il naît à la base nature. C'est pour ça qu'on dit que les enfants avant l'âge de puberté, yani, s'ils décèdent, ils sont sous la tutelle d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quand il grandit, il est sous l'influence de ses parents. يولد الولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني soit il devient juif, chrétien ou autre par le biais de ses parents. Comme nous aujourd'hui, on joue notre influence sur nos enfants. فيه يعني بيت من الشعر. Il y a un petit vers poétique qui dit ويتربى الفتى على ما عوده أبوه. L'enfant, il est éduqué et il fait ce que son père lui a enseigné. فإذا أحسن الأب تربية ولده, s'il a été bien et bon envers son enfant, inshallah bi inna le fils il sera dans cette si par contre il a lâché prise, il peut dévier du chemin, comme aussi il peut aussi dévier s'il est bon, ça peut arriver. Et tout ça, seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît notre destin et le destin de nos enfants. Mais c'est pour vous dire. طيب. فجاء نوح عليه الصلاة والسلام وهو من المسلمين كما ذكرنا. قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فنوح جاء بالإسلام ودعا الناس إلى الإسلام ومات على الإسلام. Quand il a dit à son peuple, dans le sens à peu près du verset, « Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. » Donc Nuh est venu avec l'islam, il a appelé les gens à l'islam et il est mort soumis à l'islam. Wa Ibrahim alayhi salatu wa salam aydan jaa bil islam li ta'lamu aydan anna ad-din huwa al-islam. قال تعالى ما كان إبراهيم شوف اسمعوا جيدا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن من هذا الكذاب الذي يزعم أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ الله تبارك وتعالى يكذبه في القرآن الكريم. قال في آية أخرى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc Ibrahim عليه الصلاة والسلام, il est aussi venu avec l'islam afin qu'on sache, mes frères, que la religion d'Allah est l'islam. Allah تبارك وتعالى dans le sens à peu près du verset, il dit Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, yani musulman ou musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Donc celui qui dit le contraire, c'est un menteur, car Allah, car le Coran le dément. Yani Allah, il dit que c'est un menteur. Qala ta'ala, dans le sens à peu près du verset. Et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub, ô mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point, donc autrement. Qu'en soumis à Allah. Il est donc venu avec l'islam, il a appelé à l'islam et il est mort soumis à l'islam. كذلك نبينا موسى عليه السلام جاء بالإسلام أيضا. قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. جاء بالإسلام, دعا إلى الإسلام ومات على الإسلام. Allah, dans le sens à peu près du verset, il dit « Et ô Moussa, dis, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, si vous lui êtes soumis. « وعلى الله توكلوا » قالوا توكلنا على الله. كذلك نبينا عيسى عليه السلام أيضا جاء بالإسلام. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذا جاء بالإسلام, دعا إلى الإسلام وسيموت, المغى سمي الإسلام. عيسى في آخر الزمان لما سينزل سيحكم بشريعة الإسلام ولا يحكم بشريعة النصارى كما يزعم البعض. Il jugera avec les lois de l'islam. Il a appelé à l'islam, il est venu avec l'islam et il mourra soumis à l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens à peu près du verset, puis quand Isa, dans la traduction c'est marqué Jésus, hein, mais je préfère dire Isa. Puis quand Isa ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. » Yani muslimoun. Yani muslimoun. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أيضا جاء بالإسلام ودعا إلى الإسلام وهو أول المسلمين ومات على الإسلام. قال تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. Il est venu donc avec l'islam, c'est le premier musulman, hein, soumis à l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens à peu près du verset, et il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Aïdan, Yusuf alayhi salatu wa salam fi da'watihi, التي تحفظونها قال تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. يعني سمي الوضع الله سمي الإسلام سمي الغليجيون وألحقني بالصالحين. وهذا نبي مبعوث مرسول إلى ديسا. ها الذي يعني النبي يوسف عليه السلام dans le sens à peu près du verset, il dit: « Oh mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron. » On s'était écrit comme ça. Hein, « Ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre le jardin, les vertueux. » Et Allah tabaraka wa ta'ala yad'ouna jami'an ayyuha al-ikhwa an namuta ala l'islam. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وهذا الخطاب لجميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. C'est une exhortation à ce qu'on nous mourons, nous devons mourir à l'islam. Comme le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit aux gens: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. Celui qui peut mourir en terre d'islam et à Médine, qu'il le fasse. Cheikh Rabi حفظه الله وشفاه الله وعافاه انتقل من مكة إلى المدينة بهذا السبب. Par cette cause-là, il a quitté la Mecque pour Médine afin d'y mourir. Allah nous dit donc: ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. فالدين أيها الإخوة عند الله واحد والدين هو الإسلام وجاء كل نبي إلى قومه بشرعة ومنهاج أو بشريعة ومنهاج. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أنه لا يقبل يوم القيامة دينا غير الإسلام. قال في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن يا ويل على من مات على غير الإسلام قد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. Donc quiconque, يعني chacun, Allah nous a à chacun de vous, comme Allah il a dit dans le verset, à chacun de vous nous avons assigné une législation et un plan à suivre. C'est l'islam. Et chaque prophète est venu à son peuple avec cette législation, qui est une voie et qui est toujours l'islam, d'adorer Allah le Tout-Puissant et de ne rien lui associer. Et Allah nous dit que le jour du jugement dernier, dans le Coran, il nous dit qu'il n'accepte aucune autre religion. Il dit: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et donc les flammes de l'enfer seront à celui qui meurt non soumis à la religion de l'islam. Donc cette personne-là, il a non seulement perdu sa dunya, mais le pire, c'est qu'il a perdu l'au-delà. Il a perdu la dunya ou l'akhira. Et depuis l'époque de Adam, alayhi salam, min ahdi Adam, jusqu'à l'époque de Nuh, les gens adoraient un seul Dieu, unique sur la base nature. Ils ont ensuite dévié et ils ont dérivé de la droiture. Ils ont dérivé de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني كلهم كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له. يعني الفطرة التي فطر الناس عليها ثم بدأوا ينحرفون. يعني بدأ الناس تنحرف. والانحراف كما ذكرت آنفا ظهر في قوم نوح. وبدأ الشرك يذب في قوم نوح. وهذا السبب يعني ما كان ما هو السبب؟ قلة العلم وكثرة الجهل والغلو في الأولياء والصالحين. وبهذا السبب بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليردوا الناس إلى عبادة الله. وأول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى البشرية هو نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم. Donc les gens, ils adoraient tous un seul Dieu unique. Sur la base nature, ils ont ensuite dévié et dérivé de la droiture. Ils ont dévié de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr en commettant du shirk. Tout cela, comme je viens de l'expliquer, dû à l'ignorance et au manque de science. Kavale qui est aussi au fait de l'excès donné aux gens qui sont assez saints et les gens pieux, jusqu'à les élever et les adorer. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a donc envoyé les prophètes. بنفس الدعوة وهي الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له tout simplement. من أراد الفلاح والنجاح في هذه الدنيا فليعبد الله وحده. Adore Allah. C'est la seule chose qui nous est demandée. ومن أجل هذه العبادة خلقنا أصلا. الله nous a créé pour cela. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et le premier d'entre eux qui a été envoyé à l'humanité, mes frères, et qui les a appelés au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il a dit dans le Coran al-Karim, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Et dans un autre verset, في آية أخرى قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. Dans le verset, dans le sens à peu près, il dit nous avons envoyé Nouh vers son peuple. Il dit ô mon peuple, adorez Allah pour vous, pas d'autre adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Et dans l'autre verset, nous avons envoyé Nouh vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il leur dit ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. وبهذا القدر نكتفي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخي سيداتي عفوا الشيخ سيداتي on lui a pris de son temps. الله يبارك فيكم يا أخوان.